Thank you. Yeah. Basse.

par un. Every breath you take, yeah, yeah. Oh, Johnny, oh, Johnny, every breath you take. Je vais vous faire une chanson. Salut, ouais, salut, c'est Renaud. J'ai décidé de faire une reprise d'un chanteur que j'aime bien. J'étais jeune, c'était un groupe Police. Ça c'était Every breath you take. Every breath you take, every move you make. Elle est où la mesure là? J'ai perdu la mesure. Ok. Every breath you. Ah mais il faut partir en 1 là. Every breath you take, burn your brain every step you take. Yep, ça, ça a tout flotté. Ah ouais, d'accord. Ok. Putain, mais trop long, il pète les oreilles. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you every single day, every word you say. Nous allons bien massacrer le morceau. Every step you take. On fait le petit saut de piano. Avec un petit saut de piano derrière. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every single day.